Bonsoir à toutes, bonsoir à tous à l'écoute de Radio Panique. Un journal sans papier ce soir. Alors le journal sans papier est une émission qui a été interrompue il y a quelques 6 mois. On la faisait régulièrement tous les mardis. Et on reprend du service pour ce soir. On ne sait pas trop si on continuera à avoir pour rendez-vous le vendredi. Mais enfin, ce soir on est là pour une heure, donc pour ce journal sans papier. Et avec plusieurs membres de l'UDEP qui vont ce soir nous parler... de l'UDEP et de ce qu'ils font en ce moment dans le mouvement sans papier bruxellois. Donc, vous allez chacun vous présenter. Il y a ici des occupants à la fois de l'occupation de la VUB et de celle de l'ULB. Et puis, il y a une personne qu'on avait déjà reçue ici au journal sans papier il y a peut-être un an, c'est Alex. Mais tu viens souvent, hein, tu viens pas qu'au journal sans papier d'ailleurs. Et Alex, donc, qui représente l'UDEP Bruxelles. Et Alex, tu voulais qu'on commence un peu sur les chapeaux de roue par une présentation de l'UDEP. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et en fait, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est souhaiter une bonne année à tout le monde, que ce 2009 il soit plein de régularisations, peut-être, que les sans-papiers, ils auront ces papiers, qu'ils vont arriver à ce but. Et d'un autre côté, donc, comme vous le savez très bien, le mouvement sans-papiers s'était créé en 2004-2005. Et depuis là, le mouvement, il a pris son ampleur en 2006. On a eu 42 occupations dans toute la Belgique. Le 4 de juillet 2006 aussi, il y a eu un rafle. Il y avait 48 personnes qui étaient conduites dans différents centres fermés. Ils étaient à Boteng, Merzplatz, en 27 vis, etc., etc. Et de là, le mouvement aussi, il avait commencé à se battre pour libérer. Après 4 mois de lutte, on a arrivé à libérer. Ça s'était passé en 2006. Mais avec cette occupation, on n'a rien abouti, même les promesses que tous les représentants de chaque politique ils nous ont promis, nous ont offert, rien ne s'était obtenu. Donc en 2007, il y a eu le cas de la petite fillette Angélica, je crois que tout le monde se rappelle, la petite fillette équatorienne Angélica et sa maman qui se retrouvaient au centre fermé. On a même reçu la visite du président de l'Équateur avec lui-même qu'on a parlé. Et lui, il avait pris position par rapport à tous ces sinistres, on pourrait dire, parce que c'est un sinistre d'avoir des enfants dans le centre fermé, des enfants qui connaissent rien. C'est quoi avoir commis un délit et le lendemain, il se retrouve dans une prison, dans un centre fermé, quoi. Donc, ça, c'était triste. La Belgique, il était condamné plusieurs fois. Et juste maintenant, je crois qu'il l'apprend pas. Mais bon, ça, c'est un autre cas. Et 2008, on a eu plein des occupations. On a bien compris le message du gouvernement qu'il fallait faire une grève de la faim pour pouvoir avoir leur papier. Donc, juste maintenant, chaque occupation qu'on a, au début, on essaye de pas de voir passer pour la grève de la faim, que c'est le cas maintenant de UDEP, ULV et VUV. On souhaiterait bien de pas devoir passer pour une grève de la faim pour être entendu pour la ministre ou responsable politique. Donc, maintenant, on se retrouve dans une situation dans laquelle on vient d'avoir un nouveau gouvernement. On sait très bien que c'est la même ministre qui va gérer les dossiers de sans-papiers, les dossiers de l'immigration. Ils ont tout changé, sauf elle. On aurait préféré le contraire. Voilà, mais en tout cas, on dirait que le combat continue et ils sont les mêmes protagonistes. Il y a la même ministre, il y a les sans-papiers qui vont être là tout le temps et qui sont déterminés aussi. Donc, pour nous, ça change pas grand chose. Donc, les combats, ils continuent, les sans-papiers, ils sont là. dans la rue, les sans-papiers, ils sont en train d'occuper, ils sont déterminés. Et voilà quoi, où on est par rapport au mouvement. Les mouvements sans-papiers, maintenant, est-ce qu'on a, on a travaillé pendant toutes ces périodes de vacances, on a travaillé à construire un agenda politique, un agenda avec laquelle on pense au, on peut plus clairement dire qu'on a tracé une ligne politique par rapport à la problématique des sans-papiers. Maintenant, on a deux occupations dans cette mois-ci, en espérant qu'on pourrait ouvrir à notre occupation. On a pensé à Gand et une autre occupation à Louvain-la-Neuve aussi. Donc, ça, c'est les informations que j'ai. Et aussi, je voudrais bien commenter que les Trontillans, les sans-papiers, ils ont fait leur fête aussi. Parce que les sans-papiers, ils sont des êtres humains aussi. Donc, ils ont fait une grosse fête à la VUV, au parking K, où il y avait, je sais pas, s'il y avait plus de 300, 400 personnes. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de Belges, des étudiantes, des gens qui se sont approchés pour justement apprend un peu sur la problématique de notre situation et aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils pourront faire pour nous soutenir, pour nous aider dans ce combat-là. Par rapport à ça, on a eu aussi la visite des professeurs et des étudiantes de l'école de Ritz. De Beaux-Arts. De Beaux-Arts et de Ritz aussi. Le Ritz. Le Ritz, voilà. Donc, aussi, ils veulent s'impliquer, ils veulent soutenir ce mouvement, surtout l'occupation à VUV, ils veulent la dynamiser et à travers notre agenda, ils vont appuyer notre agenda aussi avec leurs artistes, leurs étudiants et les étudiants de VUV aussi qui sont en train de se préparer pour les prochaines actions. Donc apparemment, le soutien des étudiants aux occupants des facs, des unis, fonctionne assez bien là apparemment. Oui, on peut dire que c'était ça, en fait, en 2008, qu'on a rentré à la ULV, le but, disons, le but de UDEP, c'était de sensibiliser les étudiants, parce que on voit que dans les universités, il y a, ils sont le futur de la Belgique, il y a des futurs politiciens, ministres ou quoi que ce soit. On voit tous les intellectuels, tous les chercheurs, ils sont dans les universités. Donc, on a pensé que c'était très important de venir occuper les universités et surtout conscientiser les gens qui sont à l'intérieur, les étudiants, professeurs et tout le reste. Donc, à la ULB, tout le monde il a vu, on arrive à notre but. Il y a déjà un comité de soutien, nous sommes pas qui s'était formé. Et à chaque manifestation, chaque action, ces groupes, ils sont là pour soutenir nos actions et tout le reste que c'est le combat de sans-papiers. Donc maintenant, à VUV, c'est trop tôt pour créer déjà, mais nous, on souhaiterait bien pouvoir le faire dès maintenant. Mais ça, c'est un procès. Pour le moment, on a déjà un bon groupe qui est solide. Il s'est constitué à l'intérieur au sein de la VUV, à l'intérieur de l'occupation à VUV aussi, avec les sans-papiers. Et ce groupe-là, il est en train de s'organiser. Et aussi, ils sont avec l'école de Beaux-Arts, les professeurs de Ritz aussi. Et on va essayer de créer une coordination pour soutenir les actions à suivre quoi, qui vont venir dans les mois de janvier, dans ce mois-ci. D'accord, Alex. Donc, on a là une présentation un peu historique de l'action de l'UDEP, l'Union de défense des sans-papiers. J'aimerais peut-être passer la parole aux occupants des ULB et VUB. Donc, on peut peut-être commencer par Abdessamad. Bon, bonjour tout le monde. Nous sommes les sans-papiers de la VUB. J'espère que 2009 sera une joyeuse, heureuse année pour tous les Belges qui sont dans la Belgique. Et aussi que au niveau de la politique, on aura un gouvernement qui règle les choses pour tous les Belgiques au niveau de pour le travail, aussi pour les logements, le social, et aussi pour les sans-papiers. d'avoir leurs droits et leurs droits d'avoir les papiers. Comme ça, ils seront, nous sommes tous les sans-papiers, nous sommes des êtres humains comme les autres, comme les Belges. Nous sommes aussi, hein, d'une façon ou une autre, des Belges, parce que on habite ici en Belgique, et la plupart de nous qui sont plus que 5 ans, 6 ans, et même il y en a d'autres qui sont plus de 10 ans, jusqu'à 15 ans, qui sont en Belgique. Donc, d'une façon ou une autre, ils sont des Belges. Ils réclament un seul droit, c'est leur papier pour qu'ils soient, qu'ils travaillent normalement comme les autres Belges, et aussi et qu'ils aient une vie normale. Au niveau de la VUB, nous sommes, parce que je suis un représentant des sans-papiers à la VUB, Nous sommes dans un parking, hein, un garage qui est pour les automobiles, c'est pas pour les êtres humains. Nous sommes tous malades, hein, parce que maintenant, ça fait presque un mois qu'on nous sommes là-bas, hein, depuis le 3 décembre. Et avant, on était à l'ULB, une partie qui était à l'ULB et d'autres qui sont venus d'ici, de là, partout dans la Belgique. Et on était réunis grâce à l'UDEP, hein, l'Union de défense des sans-papiers. On était réunis dans ce parking pour avoir une base de lutte, hein, pour avoir nos droits, les papiers. On a heureusement un directeur de la VUB, hein, le recteur et le directeur est là quand même. C'est pas beaucoup, mais quand même, on a un garage. Un garage, c'est une base de lutte. C'est le moins possible qu'on peut avoir. Mm-hmm. Je m'excuse parce que je suis malade, hein, le froid là-bas. Et bon, il fait très, très froid dans le et je ne cesse pas de tousser. Donc, si je parle et je tousse, j'espère que les auditeurs, ils vont m'excuser. Bon, ce que je veux ajouter aussi, que dans le parking car, on n'a rien, hein, juste des chauffages de gaz, hein, qui chauffent un petit peu. On a des associations qui nous aident au niveau de la nourriture. On a aussi manque de matelas, manque de couverture, manque de beaucoup, beaucoup de choses, les médicaments pour les gens. J'espère que s'il y a moyen de que les auditeurs qui nous entendent d'ici, s'ils peuvent nous aider, ou bien des associations qui peuvent venir à l'aide, bon, à la VUB, le parking car, qu'ils soient la bienvenue et qu'ils nous aident, pour que nous aurons les matelas, au niveau des matelas, au niveau de la nourriture, et aussi le soutien des étudiants, le soutien aussi de tous les Belges, pour avoir nos droits. Et je redis, notre droit, c'est avoir les papiers. Et pas seulement pour la VUB, mais aussi pour tous les sans-papiers qui sont dans la Belgique. Ok, merci. Maïka, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Si j'ai bien compris, tu viens en soutien. Tu es aussi tu viens en soutien à la VUB. J'ai des papiers, de donc pour le moment. Voilà, je fais partie du groupe qui soutient les sans-papiers qui sont dans le parking. Moi, je travaille à la VUB, donc avec des autres étudiants et quelques professeurs, on essaye de soutenir tous ces gens qui sont venus. Mais je voulais juste rajouter une idée que je me disais, c'était quand même que, bon, le recteur, en première instance, il était assez positif. Il a dit, voilà, on accueille les sans-papiers à la VUB, on veut soutenir ça. Mais après, il a quand même donné un parking, quoi. Donc, c'est quand même quelque part... accueillir les sans-papiers, mais leur donner un lieu qui n'est pas pour vivre, quoi. Donc c'est un peu quelque chose qu'on ne pouvait pas refuser. Et donc ça met aussi tout ce groupe un peu dans une position bizarre, où là le recteur il peut dire, voilà, ils ne sont pas contents, s'ils ne veulent pas le parking, voilà quoi, c'est un cadeau qu'on leur donne. C'est pas un hôtel, on peut pas donner autre chose. Tandis que c'est, voilà, s'il y a quand même des autres salles. Tu penses qu'il y avait d'autres espaces disponibles? Oui. Oui, je suis sûre. Donc après, bon, c'était aussi à nous et au groupe de soutien de mettre pression, d'aller autre part. Mmh. Ce qu'on n'a pas fait les premiers jours. Donc bon, ça fait que maintenant, on est toujours dans le parking. Voilà. Je pense que quelque part, c'était aussi, stratégique, quoi, par le recteur. Mais sinon, après, oui, on essaye de, en première instance, de les aider où ils se trouvent maintenant. Après, donc, on a, oui, avec la fête et tout ça, on a essayé d'inviter des gens de l'extérieur, les étudiants, de venir à l'encontre des sans-papiers. Mmh. Parce qu'on a un gros travail à faire quand même à l'université, à un peu mobiliser les étudiants, le personnel. Mmh. À venir à l'encontre et à soutenir ce mouvement quoi, des sans-papiers. Et voilà. Je ne me souviens plus qui est aussi de la VUB. Oui, c'est moi, Abdelkarim. Abdelkarim. Oui, bonjour. Je souhaite bonne année à tout le monde. Je tiens principalement à remercier les dirigeants de la VUB qui nous ont accueillis dès le premier jour. Je remercie également, et très vivement d'ailleurs, les étudiants qui nous soutiennent du moins, notamment quand on a fait la fête le 31 dans le parking, ils étaient venus très très nombreux. Et je ne sais pas quelle expression utiliser pour pouvoir vraiment les remercier d'une manière proportionnelle. Donc c'était vraiment une très grande fête, ça a permis au moins de nous faire oublier au moins un instant les problèmes qui nous font travailler la tête, quoi. Donc, voilà. Et surtout, chaque jour, je ne dis pas qu'ils sont très nombreux à nous visiter chaque jour, mais quand même, ils passent de temps en temps, soit le matin, soit le soir, soit l'après-midi. En tout cas, ils sont présents parmi nous. Souvent, il y a quelques-uns parmi eux qui nous apportent des médicaments parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu la visite d'un médecin pour une consultation ou quelque chose comme ça. Et comme mon camarade vient de le dire, là-bas dans le parking, bon, moi, personnellement, j'étais tombé malade pendant 2 semaines. Heureusement, maintenant, c'est fini. Donc, on a vraiment besoin des médicaments si c'est possible. Et pour ceux qui peuvent nous apporter de l'aide dans ce sens, et surtout des médecins qui peuvent venir nous consulter de temps en temps s'ils ont les moyens. Voilà. Juste une parenthèse. J'ai cru comprendre. Il y a aussi besoin de matelas et de quoi de couverture, de choses comme ça. Oui, en fait, il y a un gros besoin encore de matelas par rapport aux gens qui ne peuvent pas rester là-bas. Mmh. En fait, il y a un gros nombre de personnes qui ne peuvent pas rester parce qu'on n'a pas de matelas pour pouvoir les accueillir. Donc, tous ces gens, ils vont nous joindre, mais malgré leur volonté, nous, on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas les moyens. Et aussi, je voulais un peu ajouter par rapport à la maison que le recteur, il nous avait donné une petite maison en face de la VUV. Mais maintenant, on voit un peu plus clair que, je sais pas, c'était pas une bonne volonté de nous donner ces maisons parce que, après quelques jours, au début, on a vu qu'il y avait des gens des SDF qui habitaient là-dedans. Et bon, l'intention du recteur, c'était que nous, on rentre pour expulser ces gens-là. Et par la suite, il y avait des inspecteurs de la salubrité qui sont passés. Ils ont trouvé la maison qui était insalubre, donc ils ont déjà affiché des affiches que la maison il était inhabitable. Donc sinon, nous, on aurait rentré les jours que le recteur nous avait dit, on aurait chassé les SDF, et par la suite, nous, on aurait été chassés pour la commune, par la police ou pour la salubrité. Ça passe dans le cadre et dans la lutte sans papier. Une parenthèse. Oui, tout à fait. Donc, après les remerciements, je tiens à souligner que nous voulons et nous attendons l'aide de tout le monde pour qu'ils puissent nous apporter leur aide, que ce soit le soutien moral ou psychologique ou politique, pour que nous arrivions à avoir ce que nous cherchons. Et ce que nous cherchons, tout le monde le sait, c'est les papiers. Donc, ça ne sert à rien de rester dans un pays pendant des années, dans l'obscurité, parce que sans les papiers, tu es ignoré. Personne ne sait si tu vis dans le pays. Et même si tu vis, même si les gens savent, bon, tu es un peu négligé, parce que les sans-papiers, il est considéré, dans la majorité des consciences des gens, il est considéré comme un malsain, quelqu'un qui est brutal, quelqu'un qui est, je sais pas, comment est-ce qu'on le dit là même? Je ne dis pas assassin, mais un criminel. Mm-hmm. Donc les gens, deux fois, tu croises quelqu'un, il te voit seulement, il se panique. Pour lui, c'est comme si tu vas le tuer tout de suite, ou bien tu vas essayer de le voler. Ou bien tu abordes quelqu'un, il dit que, ah, s'il entend que quelqu'un dit, ah, lui, c'est un sans-papier, ah, on s'éloigne de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les papiers. Alors que les papiers, c'est quoi? C'est un bout de, je sais pas, des morceaux d'arbres ou d'écorce sur lesquels on passe des écritures. Personne n'est né avec les papiers. Alors, moi, il y a deux semaines de cela, il y a le professeur Matteo qui était venu ici. On a tenu un débat radiophonique ensemble. C'était l'émission sur l'insécurité. Sur l'insécurité sociale, effectivement. Donc, il a tient à souligner que l'individu n'existe que quand il y a une protection sociale. Et je ne sais pas. Quand il y a solidarité. Et solidarité. Chez les sans-papiers, il y a ce manque de solidarité, il y a manque d'existence. Parce qu'un sans-papier, il est ignoré, il n'a pas la protection sociale. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'individu de sans-papier, ça n'existe pas. Alors, je demande à tout le monde, toutes les bonnes volontés qui cherchent à nous soutenir, soyez les bienvenus, soutenez-nous. Aidez-nous à exister dans cette année 2009. Je vous remercie. Merci Abdelkarim. Peut-être, je ne sais plus qui est de la VUB. Ok, donc vous voulez peut-être maintenant qu'on parle un peu de l'ULB, peut-être. Ah oui. Alors Ibrahim, peut-être. Et bonjour à tout le monde, bonne et heureuse année à toute la Belgique, en particulier à tous les sans-papiers, donc pour qu'ils sachent que nous on est là, on ne les a pas oubliés, et si on est là, donc c'est pour montrer la visibilité des sans-papiers de la Belgique, quoi, et qu'on a quand même assez de soutien pour les rendre visibles à travers nos occupations et les manifestations que nous sommes en train de poursuivre, quoi. Et en fait, ce que je souhaite, je lance encore mes meilleurs vœux aux autorités de ULB suite à leur bonne volonté. Malgré qu'on a suivi, tout le monde, la Belgique a suivi depuis que nous avions commencé l'occupation à la chaussée d'Ixelles, on a été expulsés depuis le mois de novembre. Et à la vie encore, on s'est quand même été déplacé jusqu'à la ULB. Et je remercie pour leur bonne volonté, malgré que tout le monde essaie qu'on pense qu'on ne sera pas quand même à la ULB. Mais malgré tout cela, donc on a pu négocier. Comme nos frères disaient qu'eux aussi ont les amis dans le parking. Tout le monde en est au courant qu'on est de la salle Bosch du sport de ULB. Vous êtes dans un gymnase? Ouais, dans un gymnase de ULB. Donc, malgré que la population belge, elle entend qu'il soit disant que les sans-papiers sont en train d'occuper les endroits où on passe les cours aux oui, étudiants. Mais vous empêchez les étudiants de faire du sport, il paraît. Non, pas jamais. Donc, de toute façon, donc, on n'est pas là pour empêcher les étudiants quand même de poursuivre leurs études, mais vu les conditions, la situation d'être expulsé des chaussées d'Excel comme toute la population l'avait suivi, donc c'est ça qui a fait. Mais malgré tout ça, on est en train de voir avec l'ULB pour quand même voir comment gérer la situation des sans-papiers malgré tout ça, et de voir comment on pourrait quand même arranger la situation au niveau de la poursuite des cours quand même, quoi. Et dans ce cas, je remercie aussi bien comment dirais-je, les comités de liaison qui est en train avec, comment dirais-je, Bruxelles Laïque, qui est en train de voir comment qu'on puisse gérer l'occupation des sans-papiers, parce que si les sans-papiers se sont regroupés, c'est pour être visibles et pour montrer leurs actions de la façon qu'ils ils ont été niés, donc leur présence est niée à travers le pays. Donc, ils les soutiennent pour qu'on puisse se regrouper et qu'ils transmettent leur message vis-à-vis de la population. Et à cela, j'ajoute encore vraiment mes remerciements à tous nos soutiens qui viennent de la façon dont je peux quand même... Il y a des associations qui nous soutiennent, comme nos frères de VIP le disaient. Nous aussi, on a passé comme ça. Elles ont apporté leur soutien. Donc... Et on a quand même eu aussi des visites de quelques autorités comme ça, après mieux placées. Par exemple, on a ici des associations de Syrie, des affaires, des personnes qui nous soutiennent dans les affaires politiques aussi, donc qui soutiennent l'action des sans-papiers. Il y en a eu en novembre encore la visite du président du PS en personne dans la salle Bosch aussi au nom. Comment il s'appelle déjà? Elio Di Rupo. Elio Di Rupo, il a passé donc le parrain de l'ULB. Donc le parrain de l'ULB. Ouais, donc c'est vrai. Demain, ouais. Donc et on a pu quand même aussi parler, échanger des idées aussi, parler avec Marie Arena aussi, lors d'un débat à ULB avec les étudiants aussi. Donc, et ça aussi, vraiment, ça montre que dans l'agenda politique aussi, donc on est motivé et on passe toujours à des actions pour montrer vraiment que les sans-papiers ne sont pas là, au moins comme les autres les considèrent, comme des criminels ou bien des déchets. Donc, ils ont su et les soutiennent. Il y a des gens aussi qui viennent. Ils ont vu vis-à-vis la présence des gens. Mais ce qu'ils ont entendu de la rue, ce n'est pas quand même la même chose que ce qu'ils ont vu, comment dirais-je, sur place au sein des sans-papiers. Il y a une solidarité, il y a une bonne volonté des gens. De toutes les façons, donc, comme... on souhaite dès que le nouveau gouvernement pourrait bien penser vraiment sur les bonnes causes de gérer la situation des sans-papiers. Parce que de toutes les façons, il y a des gens, si on dit qu'on sort des critères ou bien des lois sur les sans-papiers, il y a beaucoup qui sont là, ils méritent vraiment d'être... comment dirais-je, placé, d'être des humains dans le pays, mais quand même maintenant on les met dans la classe des minimes. Parce que si vous voyez, comme je passe l'appel aux gens aussi, de bien vouloir passer à ULB pour voir la situation des familles qui sont là avec des enfants, dans quelle situation ils sont. Hein? Une famille qui peut passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le pays, mais voir la situation, comment les enfants sont là. Et d'autres, ils n'arrivent même pas à avoir les soins minimum bien pour les enfants. Une famille qui a des enfants, il faut voir dans quelle situation une famille peut vivre comme ça. Donc, ça, s'il y a un esprit humaniste, donc celui qui vient pour visiter la situation des sans-papiers, donc, il pourrait quand même... Même si son petit soutien qu'il amène, même si c'est la visite qu'il amène, il pourrait quand même donner son soutien aux gens là. Parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont là. D'autres ont des diplômes, d'autres ont fait des formations, d'autres ont duré ici. On demande de l'ancrage durable, mais il y a beaucoup qui sont bien attachés, plus que même dans leur propre pays. Mais malgré tout ça, donc, elles ont été rejetées dans la rue. Donc, c'est ça que je vois. On espère que malgré que le gouvernement ait un peu changé, mais tout le monde, elle est là à sa place. Mais nous, on souhaite que les choses, que ça change. Parce que 2009, il ne faut pas que ça soit une année pour la poursuite des choses dans les choses négatives, on souhaite qu'on réfléchisse parce que c'est la vie humaine qui est là et les sans-papiers ont besoin de considération. Tout ça. Et oui, si j'ai bien compris, la question des sans-papiers était à l'ordre du jour en fait au gouvernement lorsqu'il a été remanié. C'est-à-dire que l'agenda est sans cesse reporté et effectivement, on parlait de Amélie Turtelbaum. Il faut. J'ai lu une petite information qui, enfin, qui donne pas beaucoup d'espoir sur sa personne. En tout cas, c'est par exemple que suite à l'incendie qui a eu lieu au 527 bis en août, elle envisageait la construction d'un sixième centre fermé, spécialement pour les gens qui créeraient des désordres dans les centres fermés. Voilà quel genre de problème. Envisage de régler la ministre actuelle de l'immigration, alors qu'elle est dans un gouvernement qui, par ailleurs, est un gouvernement qui devait apporter du nouveau sur cette question, qui avait même fait des promesses avant d'être élu. Qui veut prendre la parole maintenant? Oui, je m'appelle Pedro. Je vous souhaite à mon année. Je vais faire une pause musicale. Alors, oui, ben écoute, excuse-nous. Ah oui, ça va. C'est Vincent qui a toujours les bonnes idées. Effectivement, on pourrait peut-être un peu souffler après toutes ces informations. Je sais pas, écoute, tu n'as qu'à passer, tiens, la 4. On les souhaite une bonne année à Némi aussi. Ça va être une chouette année à Némi. Cool. Voilà, c'était un petit peu de musique traditionnelle afghane, pourquoi pas. On en était à Pedro. Toi, tu es occupant à l'ULB aussi? Oui, je suis un occupant de l'ULB. Avant, nous sommes à Tchoussé d'Ixelles. Nous quittons de Tchoussé d'Ixelles et maintenant, nous sommes à l'ULB. Et je veux parler un peu de la réalité des occupants parce que c'est un peu difficile. Et même pour les enfants qui doivent aller à l'école. Juste maintenant, ils sont en train de vacances. Et à partir de lundi, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. C'est un peu difficile pour changer la situation. Et nous sommes là beaucoup de temps. Et moi-même, j'ai un fils que je ne veux pas beaucoup de temps. De la même manière, il existe beaucoup de familles comme moi qui n'ont pas vu ses enfants. Et ça, c'est un peu dur. C'est triste. C'est très dur la vie comme ça. Et pour ma part, je souffre beaucoup. Et c'est beaucoup des années que j'ai fait des manies, aussi j'ai participé avec la UDEF et tous les événements qu'ils ont faits et voilà, et j'arrive jusqu'à maintenant. Et parce qu'il y a d'autres solutions pour prendre notre papier. Mais nous a des patrons, notre patron nous attend, que nous, on va avoir des papiers pour travail. Ils nous attendent. Et jusqu'à maintenant, c'est pas possible d'avoir un papier. Et ça, c'est notre difficulté. J'espère qu'un jour, des autorités belges, on va sensibiliser un peu. Et on va donner des droits d'avoir notre papier. Il y a une chose que j'ai pas compris dans ce que tu as dit, quand tu disais que tu n'avais pas vu tes enfants. Oui. J'ai une fille. Je connais des familles aussi qui n'ont pas vu des enfants. Il y a des personnes qui sont des mêmes pays. Alex, tu veux intervenir? En fait, moi, je suis souvent avec les Équatoriens, la communauté latino-américaine à l'occupation. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a presque tous les gens qui sont là-bas sont des parents. Ils sont des enfants qui sont chez des copains ou chez la famille. Et depuis qu'ils sont quittés Tchoussé d'Ixelles, ils sont rentrés à ULV. Depuis ce temps-là, ils ont pas eu beaucoup de temps pour pouvoir être avec ces enfants, ou pouvoir les soigner, ou pour pouvoir les donner un peu d'amour que tout enfant, il a besoin de ses parents, quoi. Donc, c'était ça ce que Pedro il voulait expliquer. J'essaie de poser des questions naïves pour que les choses soient claires. De ma part, c'est pour ça que j'ai parlé de ma part, parce que je n'ai pas vu à ma fille. C'est beaucoup des années. Un jour que j'ai sorti de ma pays, j'ai fait la promesse. J'ai dit à ma fille, un jour je vais venir, on va chercher, on va aller vivre tous ensemble. Maman, papa et ma fille. Et c'est ça, c'est ma cas. C'est pour ça que j'étais exposé et j'espère un jour d'avoir ma papier pour aller chercher ma fille. Juste pour revenir sur la caricature du sans-papier, c'est toujours qu'il est qu'il n'a pas de logement et qu'il n'a pas de travail. Est-ce que vous pouvez dire un peu quelle est la proportion de gens qui sont dans ce cas peut-être dans les occupations, tu sais? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de gens qui ne sont pas en domicile. La plupart de ces gens-là, ils sont sortis, ils ont abandonné la peur. Ils sont sortis de où les gens ils se cachaient pour simplement se montrer et pour joindre le mouvement, pour faire visible leur lutte, leur combat et pour faire visible sa situation de précarité qu'ils vivent ici en Belgique. Donc, la plupart des gens, ils sont en travail, comme il vient de dire Pedro. Il y a des patrons dans lesquels lui et quelques autres ils ont déjà travaillé et ces patrons-là, ils attendent qu'ils trouvent une solution à ce problème des documents et à ce moment-là, ces patrons ils sont prêts à faire un engagement ou les déclarer son travail. Donc la plupart des gens ils sont pas qu'ils ne sont pas où aller dormir ou qu'ils ne sont pas de travail. La plupart de ces gens, ils travaillent, ils sont actifs ici dans le pays. Quoi. Ah oui, vas-y, Maïka. J'ai une question surtout, c'est que si j'ai bien compris, on demande souvent aux sans-papiers d'avoir un travail et en même temps, les patrons ne peuvent pas donner un travail comme ça sans qu'ils aient des papiers. Donc c'est un peu, c'est bien le cas ou est-ce que je me trompe? Non, c'est bien le cas parce que on a vu par rapport à les autres occupations à Rue Royale, à ULB même, à l'Avenue Voice, et le gouvernement, la ministre, l'Office d'étrangers, il a donné un quart de 3 mois avec un permis V. Et il faut savoir que ce permis V, c'est un permis pour pas pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que le patron, si tu as un permis V, ton patron, il doit payer énorme de taxes, des impôts, c'est presque 800, 700 euros par mois qu'il doit payer, plus ton salaire. Donc, aucun patron, aucune personne, il veut t'engager, quoi. Oui, ça ressemble à une procédure pour décourager quiconque d'employer quelqu'un qui n'a pas de papier. En fait, c'est un piège, quoi. Il y a peut-être York qui n'a pas parlé? Oui. Voilà, comme ça, on est à peu près au complet, on est tous. D'abord, je dois encore dire bonsoir à tout le monde et surtout à les gens, la plupart en Belgique ici. Je vous souhaite une grosse année. De ma part, je crois que je vais parler un peu aussi comme ma collègue, un peu réalité. Et je suis aussi un coupon de ULV. Et je viens plus ou moins déjà, je suis entré au début au chaussée d'Ixelles où nous avons expulsé. Alors moi je suis entré ici, là-bas grâce au mouvement de UDEP. Je suis avec ma femme et mes deux enfants. Et pour moi, c'est un peu, maintenant que nous sommes déjà 2 mois, c'est un peu inquiétant, et surtout pour les enfants, parce que pour une personne plus, une grande personne grande, on peut lutter tout, mais les enfants, c'est, pour eux, je crois que c'est difficile, et parfois, on me demande toujours qu'est-ce qu'on fait là-bas, et pourquoi on doit aller là-bas, ou pourquoi on reste là-bas toujours. Moi, j'ai mon fils qui a déjà 10 ans, que pour l'année prochaine, il va aller le secondaire. Et pour moi, personnellement, c'est un peu très difficile d'expliquer quel futur je vais donner. Parce que parfois, il me demande, papa, je peux pas aller de l'école avec mes... avec ses amis, et comme normal, parce que parfois, il apporte des... parce qu'il n'a pas de papier, et c'est ça toujours, même pour le, et aussi, il a, moi, personnellement, j'ai peur, peut-être après, s'il va aller secondaire, qu'est-ce qu'il va besoin de tout, surtout avec son papier, il va rien faire, peut-être, parce que même à l'école, il est comme ça, il n'a pas bougé bien. Et c'est ça que je vois. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Moi, personnellement, je suis ici depuis déjà 8 ans avec mes enfants. Et alors, jusqu'à un moment, je lutte. Et alors, on n'a pas trouvé rien de solution. C'est ça. Et alors, peut-être... maintenant, juste, on attend les grands mouvements et les résultats de ce qu'on pense tous les gouvernements belges. Et j'espère qu'il a un peu de corps pour nous, parce que vraiment, c'est très dur de passer comme ça en occupation fermée avec tout le monde. Il y a parfois qu'on n'a pas de nourriture, il y a parfois que c'est dur, vraiment. Et je sais pas beaucoup de mots à expliquer. Merci. Il y a pas un invité surprise, puisque on savait qu'il allait venir, mais il est venu un peu en retard. C'est Benoît. Tu veux dire quelque chose, peut-être, Benoît? Ouais, mais je vais pas vous souhaiter une bonne année, parce qu'elle va être mauvaise. Merci. Benoît est un fondateur de cette émission. Et c'est lui qui, comme il était, c'est aussi pour lui qu'on a organisé l'émission, parce qu'il est de passage à Bruxelles. Bon, c'est pas très important. Il faudrait que cette émission disparaisse, parce qu'il y aurait plus de sans-papiers, quoi. C'est intéressant. Et ça reste l'objectif à atteindre. Bon, ça c'est un. Bon, j'écoutais un petit peu. Moi, je suis plus en Belgique, donc je suis un peu l'actualité comme ci, comme ça, que bon, je suis toujours très impressionné par l'âpreté des luttes de sans-papiers en Belgique. Et le peu de résultats qu'elles obtiennent dans un pays où on a l'impression que le champ politique est complètement neutralisé, donc il y a une classe politique. En fait, c'est pas seulement vrai des sans-papiers, hein, c'est vrai de n'importe quel type de revendication sociale dans ce pays. Ils en ont rien à foutre, quoi. Ils en ont rien à foutre. J'étais à un colloque sur l'antiterrorisme le 19 décembre, organisé par la Ligue des droits de l'homme. Au Sénat, il y a 4 députés qui se sont déplacés, quoi. Et les 4 députés disaient, en gros, oui, vous, la société civile, la Ligue des droits de l'homme, vous nous expliquez comment c'est dangereux, les lois, parce qu'on peut arrêter n'importe qui et faire n'importe quoi. Mais vous comprenez pas, nous, en gros, ce qu'on comprenait, c'est qu'il y avait la foule des gens, là, du peuple, avec des fourches, qui leur foutaient des coups de fourche dans le cul pour qu'ils prennent des mesures liberticides. Bah, pour les sans-papiers, ils font pareil. Ils nous font croire qu'il y a une pression populaire contre les sans-papiers. Moi, je pense que ça, c'est pas vrai du tout, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des tas de cas de solidarité dans des villages flamands et tout ça, bon, ça n'existe pas. Ça, c'est dans la tête des politiques, quoi. Et c'est pour faire passer leur politique. C'est parce qu'ils réfléchissent pas. Alors, vous occupez 2 universités. Je pense quand même une grande partie du gouvernement sort de l'université. Donc, je sais pas très bien ce qu'on apprend dans ces universités. Alors, il est très bien, là, le doyen qui file un garage, là. C'est sympa, ça. C'est sympa, quoi. Vraiment, c'est bien, quoi. Je veux dire, mais c'est quoi leur métier? C'est de faire une analyse critique de la façon dont fonctionne ce pays, de la façon dont il fonctionne d'une façon complètement antidémocratique, qui fait que les citoyens peuvent jamais être entendus. Je veux dire, c'est ça leur boulot aux universitaires, plutôt que de dire, bon, écoutez, on va trancher la poire en deux, on va filer un garage, quoi. Je veux dire, et c'est eux qui ont formé toute cette caste politique là, qui est complètement refermée sur elle-même, qui coupe le pays en morceaux, qui monte les francophones contre les néerlandophones, après la classe moyenne contre les sans-papiers, etc. Parce que, et même vous-même, quand je vous entends parler, vous dites nous et eux, quoi. Mais moi, je suis désolé, vous faites partie de la population de Belgique, quoi. Vous faites partie de la population de Belgique. Point à la ligne. Et l'intérêt des politiques, surtout là où maintenant ça va être la crise, quoi. Bon, ils ont laissé les banquiers jouer à la roulette russe et tout. Il y a plus personne qui va avoir un sou, etc. Ce qu'ils veulent pas, c'est que ils ont réussi à empêcher que, en défendant leurs droits, les sans-papiers, les classes moyennes comprennent que les droits des sans-papiers, ben, c'était les droits des classes moyennes, parce que ce seraient les prochains après, hein, à être précarisés sur le marché de l'emploi, être foutus dehors de chez eux, etc., et à devenir des sous-citoyens, des sous-hommes, c'est pas parce qu'ils ont la nationalité, parce qu'ils ont les papiers, etc. Rien à faire de ça, quoi. On va raser leur quartier pour mettre des buildings, comme au quartier Midi, belge ou pas, quoi. Hein, c'est pareil, pauvre. C'est pauvres, travailleurs, et puis il faut bien leur exurber, leur sucer le sang, quoi, en gros, pour rembourser les banquiers. C'est ça qui va se passer. Et c'est la classe politique qui fabrique le racisme aussi, parce qu'elle intéresse que la classe moyenne, elle se dise, il faut surtout qu'on maintienne la frontière entre ceux qui sont un petit peu plus pauvres que nous, quoi. Parce que il faut qu'on continue à pouvoir rêver qu'on va devenir riche, hein. On va continuer à rêver qu'on va devenir riche. Donc, et là, le politique, il a tellement peur que, comme il est en minorité, les élites, elles sont en minorité. Il a tellement peur que le peuple, comme on disait, ils se mettent ensemble en disant, bon, écoutez, les inégalités, ça commence à bien faire. C'est un pays les plus riches, l'un des pays les plus riches du monde. On voit pas pourquoi est-ce que l'argent, elle irait aux banquiers, aux plutocrates, etc. Je veux dire, c'est fait pour la richesse qui est produite ici. Ou qui est volée ailleurs, hein, d'où vous venez, elle est censée servir au plus grand nombre, quoi, et revenir à des trucs simples et basiques, quoi. C'est pour ça que le combat des sans-papiers, dans une université, ben, je pense que des profs, ça devrait produire des textes critiques sur la question, et pas des textes d'universitaires un petit peu alambiqués, en disant « mais oui, mais peut-être des violations des droits de l'homme, vous pensez vraiment peut-être que là, dans le coin, etc., mais si on leur donne un garage, peut-être que c'est une solution, etc. » Non, il faut arrêter. Les universitaires, les profs, les machins, les gens qui risquent pas de se faire virer parce qu'ils vont faire de la politique, eh ben, c'est le moment d'avoir des couilles. Et des couilles pour les sans-papiers, des couilles pour tous les autres aussi, parce que vous serez responsable que tout aura été détruit dans ce pays et en Europe si vous faites pas votre boulot, quoi. Vous l'avez tous reconnu. C'est la chenille d'Alice au pays des merveilles qui fume et il dit des poèmes en regardant les nuages. Je voulais vous donner quelques petites nouvelles que j'ai récoltées en écho à ce que disait Benoît sur la passivité, pour pas dire le mépris des classes politiques, donc belges et européennes. On sait que, par exemple, la directive retour, qu'on avait surnommée la directive de la honte, a été votée par le Parlement européen le 18 juin. En fait, elle a été votée par le Parlement, puis adoptée le 9 décembre, qui était en fait la veille du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais bon, on n'est pas à un symbole près, puisque les ministres européens se sont réunis à Vichy pour parler de l'intégration. Et donc cette directive du droit au retour a été adoptée lors d'un conseil ministériel sur les transports, les télécommunications et l'énergie. Bon, c'est comme ça. Dans le même genre de choses, on sait que le 25 novembre s'est tenue à Paris la deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement. Et bien, on sait que, en gros, la position européenne, ça a été de défendre devant des ministres africains sidérés le fameux pacte européen, qui en gros défend l'idée fameuse d'immigration choisie, et que donc, il n'a pas été question de dialogue une fois de plus. Hein, ça a été juste une façon d'imposer la conception qui maintenant a été adoptée par la France en tête, mais par à peu près tous les pays d'Europe. Donc l'immigration choisie, le retour à l'immigration par le travail, une espèce de tri entre les migrants, de savoir ceux qui sont utiles à l'industrie, à la nation, et ceux dont on veut pas. Donc il y avait quand même un collectif qui s'appelle Des Ponts, pas des Murs, qui avait pris l'initiative d'appeler 330 organisations d'Afrique et d'Europe et d'organiser un sommet citoyen sur les migrations. Bah, ils n'ont pas été reçus, ils n'ont pas été autorisés à remettre même le fruit de leur travail aux délégations présentes à Paris. Voilà, ça continue donc. C'est pire que ça, hein. C'est pire que ça, parce que c'était dans le cadre donc d'un sommet de la présidence française qui devait avoir lieu à Paris. Et comme il y a eu une mobilisation qui a été organisée, ils l'ont déménagé à Bruxelles. Donc tout le monde est venu à Paris et puis les ministres sont barrés à Bruxelles, parce que comme ça ils étaient tranquilles. Mais Paris, c'est tellement mal famé, des tas d'associations. dans le même ordre d'idée, on a aussi appris qu'une délégation française se rendrait sans doute à Bamako le 7 janvier pour tenter d'imposer au gouvernement malien la signature de l'accord franco-malien dit de gestion des flux migratoires. Donc en fait, c'est un accord qui va permettre à la police française pratiquement d'œuvrer à la fois en France et au Mali pour rapatrier le plus possible de Maliens. Bon, le gouvernement malien a pour l'instant résistant, c'est pas ce qu'il en sera le 7 janvier. Mais ça, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le dialogue entre les continents. J'ai aussi trouvé un rapport que je vous conseille d'aller consulter sur le site du GISTI, qui est le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui donne quelques éléments sur la façon dont sont traités les immigrés à Mayotte, dans l'île de Mayotte, aux Comores. On y apprend notamment que en 2006, il y a eu 16 246 reconduites à la frontière. Et sur ces 16 246, donc c'est un chiffre, évidemment, vous pensez bien qui sert bien la politique actuelle, puisqu'on est dans une politique du chiffre. Il y a 2993 mineurs, dont 827 avaient moins de 2 ans. Donc on fait des reconduites à la frontière à Mayotte pour des enfants de 2 ans. La police aux frontières appelle ça le ramassage scolaire. Et donc ça consiste à aller arrêter des enfants à proximité des établissements scolaires à l'heure de la sortie des classes, mais aussi en faisant en sorte que ce soit juste avant un voyage pour les autres îles de l'archipel, puisque vous savez que Mayotte est la seule île encore colonisée par la France. Et donc, on se débrouille pour qu'il y ait comme ça une reconduite immédiate, sans aucune, en dehors de toute juridiction, donc de ces enfants qu'on confie à des adultes un peu au hasard. Donc, c'est une des choses qu'on apprend dans ce rapport qui a été diffusé par le GISTI. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil sur le site du GISTI. Voilà, c'était les nouvelles que je voulais vous faire passer. Il y a aussi une nouvelle là qui sort un peu du lot et j'en suis assez content. On avait parlé au journal Sans Papier d'une grève des travailleurs sous contrat OMI dans la Creau, donc dans le sud de la France. C'est des travailleurs qui viennent essentiellement du Maghreb. contrat OMI, c'est contrat Office des Migrations Internationales, ces travailleurs s'étaient mis en grève en 2005. Et suite à cette grève, la CODETRAS, qui est la haute autorité des luttes contre les discriminations et pour l'égalité, donc c'est la HALD qui a été saisie par la CODETRAS, qui est le collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture. La HALD a condamné les pratiques discriminatoires de la préfecture et de la fédération départementale des syndicats agricoles des Bouches-du-Rhône. Bon, c'est une condamnation, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà une victoire sur cette grève. C'est des travailleurs des fruits et légumes qui ont un statut de travailleurs saisonniers alors qu'ils sont là quasiment en permanence toute l'année. Donc en fait, ils vivent donc alors ils sont logés dans des cabanes dans les champs, ils se prennent, enfin, comme en Espagne dans les plantations intensives de Huelva, etc. Là pour les fraises et puis les fruits et légumes, et ils se font enfin ils ont leurs produits chimiques, enfin c'est un système féodal mais en plus sous couvert de contrats d'Office des Migrations Internationales. Et ce sont ces contrats-là maintenant qu'on applique aussi, y compris à des ressortissants européens de Roumanie, enfin tous ces gens-là sont virés maintenant parce que les Roumains et tout ça sont moins chers, donc En 2005, il ramassait les pêches au milieu des insecticides dont il était clair et dont il était avéré qu'ils étaient cancérigènes. La condamnation de la HALD ne précise pas quelle est l'évolution exactement des conditions de travail, mais enfin ça prouve au moins que les mouvements de grève peuvent un minimum porter leurs fruits, c'est le cas de le dire. On va revenir à l'activité de l'UDEP peut-être, parce que vous avez je sais pas s'il y a une émission qui suit, donc soit on a plus du tout de temps. Vincent me fait signe que oui, on a plus du tout de temps, c'est dommage, je serais bien encore resté une demi-heure avec vous. Alex, tu peux peut-être nous dire un peu quelles sont vos prochaines échéances du côté de l'UDEP. Oui, en effet, pour le mercredi 7 janvier, on a notre première action 2009. Donc, on a une marche, on va se le rendez-vous, on s'est donné à la ULV. Et de là, on partirait vers la direction de la commune d'Ixelles. Pourquoi la commune? Parce que, comme on avait dit tout à l'heure, il y avait le directeur de la VUV qui nous avait offert un bâtiment, lequel il était insalubre. Et maintenant, on vient de savoir qu'il était insalubre. Donc, ils nous ont dit que normalement, c'est la commune qui va faire passer une société de nettoyage pour nettoyer la maison et pour mettre en état que les gens ils puissent occuper, qu'on puisse faire notre action là-bas. Donc, cette action, ça va être dirigée vers la commune d'Ixelles pour lui demander d'accélérer la démarche pour faire passer la société de nettoyage. Et en même temps, on va passer visiter à notre cher ami Écolo, parce qu'Écolo aussi, on a des choses à nous parler, parce qu'en 2006, 2008, 2007, 2008, ils nous ont promis la régularisation, en même temps que PS, EDH, MR et tous les autres, et justement, nous, on voit rien. Donc, tout le monde, il est invité, le mercredi 7 janvier, on a une manifestation, tout le monde venait avec vos casseroles, avec des tuyaux, des trucs pour faire des bruits, des cibles, quoi que ce soit. Et aussi, on a des vieux chaussures, on va donner au bourgmestre. Et aussi, le mercredi 14 janvier, on a une action, et cette fois-ci, on va se diriger vers MR, la siège d'MR. Pourquoi? Parce que MR aussi, il était pour la régulation, même s'il n'était pas à 80 ou à 70%, il avait un 10%, mais il nous avait promis. C'est curieux parce que les MR, ils sont toujours beaucoup plus réformateurs et humanistes avant les élections qu'après. Oui, c'est ça. Ça, c'est le... Il y a toujours changement. Ça, c'est le truc que nous, on comprend bien ce qui se passe, c'est la politique. Donc, des promesses qui, encore une fois, ils sont partis en l'air. Donc, lundi prochain, le 19 janvier, on aura une action au CDH. Et au CDLB. Donc, pour jeudi 22 janvier, ça c'est l'action, on peut dire, la plus forte et la plus importante pour nous, le sans-papier. On viendra chez la ministre, à Rue de la Loi, à Arlois. On viendra pour lui demander de trouver une solution pour tous les gens, les sans-papiers qui se retrouvent en territoire belge, ou appliquer, je ne sais pas s'ils vont appliquer les accords qu'il y avait avant, la circulaire et tout ça. Donc, on a besoin d'une solution. Si on ne peut pas donner une solution pour tout le monde, on a 12 occupations. Les occupations aussi, ils ont besoin de trouver une solution. Donc, le mercredi 22 janvier, on viendra chez Tourtoulbon et au même titre, on vous invite à tout le monde à amener vos casseroles, vos vieux chaussettes, vos vieux chaussures et tout ce que vous avez de vieux à la maison, amenez-le, que ça va nous servir. Et si les djembés et les tambours, tout ça pour faire des bruits. Et le départ de ces actions, c'est toujours l'ULB? Ça, on va les annoncer. La première départ, c'est de ULB. Mmh. Le deuxième départ, on verra bien. Je pense que ça, on va les faire de ULB ou de VUV. On va essayer de coordonner. Vous avez un site, hein, l'UDEP, où on peut consulter ces informations, non? Oui, il y a un site, on a un blog. Si on cherche l'UDEP sur un moteur de recherche, on doit pouvoir trouver. Skyblog, voilà. Skyblog, quelque chose comme je ça. Je suis désolé. Oh là là, c'est pas compétent. C'est du pas tout. Bon, on va terminer cette émission là parce que on va laisser la place à l'Afrique en un déclic. Juste lancer un petit appel. Benoît veut lancer un petit appel. Radio Panique lance un appel aux tous les anciens professeurs de notre ministre célèbre ennemi, sur Tolbaum, puisqu'on aimerait bien faire une émission pour qu'il nous parle un petit peu de l'élève, etc. Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça aussi caractériel, inhumaine? Est-ce que c'est leur enseignement ou est-ce que elle avait déjà un petit truc qui allait pas à l'époque? Voilà. Merci. Ce sera le mot de la merci, fin. Merci. Eh bien, au revoir à un prochain journal sans papier. On ne sait pas quand, on verra. C'est une programmation aléatoire, mais j'espère bien que ce sera plus jamais. Papier.